Mais qui est-ce qui sera sous la roue, ma Subaru, mon pire ennemi. Et dans mon âge, je consomme le pneu de mes Pirelli. Ils vendent la mort avant l'amour pour bénéfice. Et je suis sur le béton, si je suis sur le béton comme Pirelli. Elle est jalouse, tourne autour comme la flicaille dans un four. Je fuis la merde quand le soleil se couche. T'es max 530 comme Joule. Elle est jalouse, tourne autour comme la flicaille dans un four. Je fuis la merde quand le soleil se couche. T'es max 530 comme Joule. J'étais sur tes max, j'ai fait des délits. Je fume que du shit, jamais sniffé des lignes. Je fais des loves, je me fais des ennemis par jalousie. Je suis pas d'ici, je viens de loin, ouais, moi c'est love. J'roule la balle, au fond rouge, Miss fait sa belle. Je vois qu'elle me fait le ciné, me crie le nom du label. Je remplis les salles, ouais, bientôt je leur fais le level. Toutes les années, je fais du sale, tout le temps, je monte les belles. Tout mon cabron, je passe même entre les voitures. Je suis parti toucher, j'ai vu des cives en filature. J'aime pas me montrer, alors je me fais miniature. À dire que maintenant j'ai une team, je fais des signatures. On vit dans un monde de merde. Je vais pas m'en faire, je vais m'en faire deux. Je fais des grosses boulettes dans le merce. Y'a que la musique qui me berce. Mais qui est-ce qui sera sous la roue, ma Subaru, mon pire ennemi. Et dans mon âge, je consomme le pneu de mes Pirelli. Ils vendent la mort avant l'amour pour le bénéfice. Et je suis sur le béton, si je suis sur le béton comme Pirelli. Et les jaloux me tournent autour comme la flicaille dans un four. Je fuis la merde quand le soleil se couche. T'es max 530 comme Joule. Et les jaloux me tournent autour comme la flicaille dans un four. Je fuis la merde quand le soleil se couche. T'es max 530 comme Joule. J'fais plus de bruit qu'un compète. Et la racle veut mon pep. La famille c'est tout ce que j'ai dû faire, il en faut peu. Pour y arriver j'd'en peux. J'dois faire deux fois plus d'efforts que. Oui j'ai localisé les tabacs. T'inquiète j'ai mangé les papales. Dans le centre-ville j'suis tricard moi. Capuché tout le temps j'ai pas le choix. Il en faut plus pour m'arrêter. Il m'en reste 10 dans le baril. Le midi j'en tourne autour. Mais au fond j'sais sous la roue, ma Subaru, mon pire ennemi. Et dans mon âge, je consomme le pneu de mes Pirelli. Ils vendent la mort avant l'amour pour le bénéfice. Et je suis sur le béton, si je suis sur le béton comme Pirelli. Et les jaloux me tournent autour comme la flicaille dans un four. Je fuis la merde quand le soleil se couche. T'es max 530 comme Joule. Et les jaloux me tournent autour comme la flicaille dans un four. J'fuis la merde quand le soleil se couche. T'es max 530 comme Joule. Ah ouais, j'en claque des dippies. J'ai que j'fais des dippies, j'en bois ça mais ça bipie. Ah ouais, faut que toi j'vends des cities.